mon port. On choisit ses copains, mais rarement sa famille. Y'a un gonce, mine de rien, qui a marié ma frangine. Il est devenu mon bof, un bof à la cabu. Imbécile et facho, mais heureusement cocu. Quand le soleil brillera que pour les cons, il aura les oreilles qui chauffent. Yeah.